C'est vraiment drôle, ce truc. C'est un peu comme si j'avais anticipé qu'un jour, je retrouverais ces carnets et que ça me ferait super bizarre de comparer les époques d'alors et d'aujourd'hui. Tu sais, je t'ai déjà dit que souvent j'avais ce petit moment là à l'approche d'un résultat ou d'un rendu, ce moment un peu bizarre où j'essaie de profiter de la situation parce que je sais pas encore et aussi parce que c'est pas mal de pas savoir, parce que si je sais alors ça peut être bien ou pas bien, mais bon, au moins je sais pas, tu vois? Non? Bon, bref, en tout cas, tu vois, là je vis un peu un de ces moments, mais à l'envers, parce que je sais déjà ce qui s'est passé. Tu vois? Tu vois pas, bon, voilà, laisse tomber. C'est dingue, non, mais parce que, en fait, j'écris ce truc sur le vélo, juste pendant le confinement de 2020. Donc t'imagines, c'était il y a 30 ans. What? Non mais arrête, je sais que je suis vieille, fais pas comme si... Non, pas du tout. Non mais tu vois bien, j'ai la peau du menton qui pendouille, là, regarde. Et puis t'as vu mes seins, non? C'est pas Jojo? Non, pas du tout, moi je les aime, je les aime toujours beaucoup, tes seins. Bon, je sais que tu dis ça juste pour me faire plaisir. Alors là, mais alors pas du tout. Bon, allez, ok, je vais faire comme si je te croyais vraiment. Regarde, c'est tellement drôle. J'écrivais à l'époque que les pistes cyclables étaient encore trop rares à Paris. L'espoir de l'après-confinement, c'était d'élargir les voies vélo. Trop fou, non? Et dire que maintenant, Paris est une des trois plus grandes capitales du vélo en Europe. Il n'y a plus que des voies vélo, piétons, trottinettes en extra-centre. Tu sais qu'ils vont créer des voies hoverboard? C'est dingue, non? On se demande comment ils arrivent encore à faire de la place pour ça entre les immeubles. C'est marrant de relire ça vraiment parce que, tu vois, je dis que je rêve de voies cyclables vertes, arborées, tout ça. C'est vraiment pour ça que je voulais faire ce métier. J'avais envie de végétaliser, de faire rêver les citadins avec des arbres, avec des fleurs. C'est quand même sympa de se dire que, ouais, il nous a bien fallu 20 ans, mais ça a fini par vraiment avancer. Oui, bon, il y a encore tous les arrondissements du pourtour de Paris, et oui, ça met du temps, je suis d'accord, mais franchement, quand il y a eu le référendum sur la place du vélo à Paris, tu te souviens? C'était en quelle année? 2034? 2035, je crois. Ah oui, voilà, 2035. Tu te rappelles, on était tellement sûrs que les pro-voitures allaient l'emporter, et au final, tu te souviens la méga surprise? Franchement, c'était vraiment fort. C'était le message que nous envoyaient tous les bobos parisiens. C'était franchement incroyable. C'était plus que toutes les concertations citoyennes qu'on avait pu faire. Il y avait 59% de gens qui n'en pouvaient plus de la pollution, du bruit, des bouchons. C'était vraiment le début d'autre chose, quoi. Tu crois pas? Attends, mais c'est vraiment rigolo de se replonger dans ces carnets, je te jure. Ça me fait tout bizarre. Là, je parle des prémices de l'urbanisme tactique. C'est dingue, non? Tu te souviens pas? Bah non. Non, mais t'es sérieux, là? Mais si, rappelle-toi, c'était en 2026, il y avait eu ce groupe de militants écolos qui avaient campé au milieu de la place. Tu sais, on n'avait pas tout encore végétalisé, c'était encore hyper minéral. Je me rappelle, je m'étais vraiment inquiétée pour leur santé, c'était hyper pollué. Et il y avait Nicolas Hulot, il venait d'être élu au 20e. Il avait proposé qu'on les accueille pendant une sorte de résidence dans les locaux de la mairie, tu te souviens? Ah, bon, tu m'as fait peur. C'est moi d'habitude qui ai Alzheimer avant l'âge, non? Avant l'âge... Arrête, tu me fais de la peine. Franchement, au moins sur cet épisode, tu dois reconnaître que j'ai de la mémoire. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est moi qui avais proposé alors de lancer un concours de résidence deux fois par an. Ça nous a vraiment aidé à concevoir le quartier, et puis les autres arrondissements ont suivi après. C'est comme ça qu'on a pu créer la promenade des nous. Ouais, c'était à ce moment-là. Du coup, c'était en place quand il y a eu le deuxième confinement, c'était pile poil. Je me souviens, on avait vraiment apprécié de pouvoir se balader dans les espaces verts en sécurité, et malgré la distanciation sociale. C'était des sortes de couloirs verts qui permettaient à la fois d'avoir de l'air, ça avait été bien pensé cette histoire, et puis à la fois ça faisait en sorte que tout le monde ait accès à un bout de nature en ville, et quel que soit le statut social des gens. C'est ça qui était vraiment cool. Et puis il y a eu le groupe d'écologues, eux c'était génial. Eux ils sont arrivés carrément avec un projet pour la redistribution de l'eau dans les parcs. Avec nos dessins et leur ingénierie, on a vraiment pu bosser main dans la main. Et là, il y a qui en place? Là, tu veux dire actuellement? Je suis pas sûre. Je crois qu'il est question d'un groupe de bio-artistes, là, en ce moment. C'est quoi les bio-artistes? Non, mais allez, tu me fais marcher, là. Les artistes du vivant, quoi. Enfin, tu sais, sont eux qui proposent genre des ateliers de l'alimentation entre les jardins partagés. Ils font des installations pour aider les habitants à imaginer comment végétaliser leur chez eux, leur pied d'immeuble, comment recycler l'eau, mais de façon artistique, quoi. Mais si, rappelle-toi, t'avais été surpris par le haricot magique qu'ils avaient fait monter jusqu'à ta fenêtre. Eh, mais je vais m'inquiéter pour ta mémoire, hein. Je vais aller te prendre une petite téléconsulte avec un neurologue, ma part.